Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1906, la mystérieuse affaire du curé de Châtenay. Comme beaucoup de faits divers, l'histoire du curé de Châtenay en 1906 a fait pendant des semaines la une de la presse, monopolisé les conversations pour en pleurer ou pour en rire, avant soudain de retomber dans l'oubli. L'affaire, il faut le reconnaître, était croustillante. En Eure-et-Loire, le curé sans histoire d'un petit village sans histoire a disparu à beau jour sans laisser la moindre trace. Fugue, assassinat, enlèvement, qu'est-il donc arrivé au jeune abbé de la rue ? Presse à grand tirage rivalise d'imagination pour retrouver le supposé cadavre, faisant venir sur place un magnétiseur, un mage hindou et même une hyène fouineuse. Mais quand le curé réapparaît, bien vivant, et qu'on apprend qu'il a fugué avec une jeune femme, Marie Frémont, enceinte de lui, l'affaire tourne au scandale. Ce qui, pour l'Église, aurait dû se régler en son sein et loin de la lumière, remettre sur le droit chemin sa brebis galeuse, s'expose horreur en place publique et relance le débat sur le célibat et la chasteté des prêtres. Un débat toujours d'actualité. Depuis plus d'un siècle, combien d'hommes et de femmes, coupables de s'aimer, ont-ils subi les foudres de l'Église, comme l'ont vécu l'abbé de la Rue et Marie Frémont ? France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alain Denizet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous avez consacré une étude très approfondie et passionnante sur l'affaire du curé de Châtenay, que vous avez vous-même exhumé des archives. Alors comment avez-vous découvert d'abord cette histoire et pourquoi lui avoir consacré un livre ? J'ai découvert cette histoire, il faut dire qu'elle était un peu connue dans le département d'Eure-et-Loire. Ouais. Elle a fait l'objet de quelques articles, et même d'une maîtrise d'histoire il y a quelques années, qui était orientée sur le côté départemental. Et je m'y suis intéressé parce que je sentais qu'il y avait des ressorts qui étaient insoupçonnés dans cette histoire, et vraiment été gâté par certaines de mes découvertes, notamment par celles que j'ai eues dans les archives des jésuites à Vanves. Ah, c'est une histoire qui se déroule dans un contexte historique très particulier. Hein. Pouvez-vous nous rappeler, Alain Denizet, les années de grandes tensions, de grandes divisions même, que vient de connaître la France en ce tout début du XXe siècle ? Alors, on est en 1906, ce n'est évidemment pas anodin, puisque c'est l'année où commence à s'appliquer la loi de séparation des églises et de l'État, qui vient couronner d'épines tout l'édifice anticlérical qui a été mené par la Troisième République depuis les années 1880. Donc, il y a de très fortes tensions, notamment lors des inventaires des biens d'église qui sont faits au mois de mars. Il y a même des morts en France dans le massif central. Il y a des oppositions, et y compris à Châtenay, et les anticléricaux et les cléricaux s'opposent vraiment lors de cette année-là, et l'affaire du curé de Châtenay va être interprétée par les deux camps selon leur grille de lecture. Et cette séparation de l'église et l'État, donc, s'est faite après des années de combats de part et d'autre. Oui, alors il y a déjà des lois qui ont précédé et qui avaient pour but de limiter la puissance de l'Église, la puissance cléricale. Qui était grande, qui était forte. Qui était absolument énorme. Donc ça a duré des années 1880 jusqu'en 1906. Il y a eu la loi contre les congrégations, la loi contre l'enseignement des congrégations, et puis beaucoup d'autres mesures qui, petit à petit, ont fait monter une tension qui s'exacerbe précisément en 1906. 1906, c'est une époque où, contrairement à aujourd'hui, il y a un curé à peu près dans toutes les églises de France. Vous avez raison, il y a beaucoup de prêtres, il y a 50 000 prêtres à cette époque-là, et 1500 prêtres sortent des séminaires chaque année. On en est à environ 100 aujourd'hui. Alors, quelle était la vie de l'abbé de la Rue, donc l'abbé qui est le personnage principal de notre histoire, quelle était sa vie avant l'affaire ? D'après les témoignages, c'est un prêtre modèle. Il est généreux, il est tolérant, il va voir tout le monde, il discute avec tous ses paroissiens, y compris ceux qui ne viennent pas à la messe, je viens de dire qu'ils sont nombreux. C'est un prêtre qui est engagé, c'est un prêtre aussi qui monte une école libre pour jeunes filles dans son village de Châtenay. Il n'est lié à aucun... Il n'y a pas d'école publique ? Non, alors il y a une école publique, d'une part, mais il y a aussi une autre école privée, et c'est lui qui la monte pour faire face justement à la suppression de l'école congrégationniste. Donc c'est un prêtre exemplaire, il n'y a pas le moindre bruit qui court sur son compte. C'est un fils de paysan C'est un bûcheron, il est né à Imonville, dans le sud du département de Eure-et-Loir, il est nommé curé de Châtenay, c'est à 20 kilomètres, il est donc dans son pays avec les siens. C'est donc dans ce contexte plutôt tranquille, en apparence tranquille, que va naître cette histoire, cette mystérieuse affaire du curé de Châtenay. Merci Alain Denizet. Je propose qu'on poursuive cette discussion tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tout de suite, 1906, la mystérieuse affaire du curé de Châtenay, un texte de l'écrivain Patrick Péchereau, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Patrick Péchereau qui a pris comme personnage principal, vous allez l'entendre, Rose, un personnage fictif, une jeune femme très attachante. La réalisation de la fiction est signée Cédric Aussire. Il est l'heure d'ouvrir le café et j'ai à peine dormi. J'ai nettoyé la salle une partie de la nuit. Ces messieurs de la presse en avaient mis partout. Depuis que l'abbé de la rue a disparu, c'est devenu leur annexe. Ils vont me rendre folle. Est-ce qu'ils racontent sur l'abbé? Vendre leurs journaux, il n'y a que ça qui les intéresse. Moi, je le connais bien, l'abbé de la rue. On est arrivés à Châtenay ensemble. Enfin, je veux dire, la même année, 1898. Lui à l'église, moi au café. Il y venait souvent. Il aimait boire son petit verre. Il causait avec les gens. Parfois pour l'agrément, parfois pour le sérieux. Dans ces moments-là, il ne sermonnait pas. Ici, c'est pas l'endroit. Il faisait réfléchir. Et moi, j'aime ça. On peut être fille de salle sans avoir la tête vide comme un carafon après une tournée. Du reste, il me disait, « Rose, fine comme tu es, tu devrais venir plus souvent à l'office. Ça réveillerait un peu mes bigotes. » Il avait son franc-parler. Rose, c'est mon prénom. Je suis née au mois des fleurs. D'après l'abbé, Sainte Rose était la première sainte du Nouveau Monde. Elle vivait au Pérou. J'ai regardé dans l'Atlas. C'est loin. J'y songe parfois, au Pérou. L'horizon est si bas chez nous, et la terre si lourde. Même les rêves peinent à s'en décoller. 28 juillet 1906. Châtenay, petite ville d'Eure-et-Loir perdue aux confins de l'Essonne, est en proie à l'agitation. Depuis 4 jours, on est sans nouvelles de l'abbé de la rue. Parti 24 heures à Paris, il n'a plus donné aucun signe de vie. Alerté, la gendarmerie a déclenché les recherches. La vieille amie malade, que l'abbé était venu visiter dans la capitale, est formelle. Il est reparti par le train des Tempes où il avait garé son vélo. Plusieurs témoins confirment. Ils l'ont vu le soir même, pédalant à grande vitesse sur le chemin du retour. La route forestière qu'il aurait empruntée est dangereuse et sombre. Avec ses frondaisons épaisses et son étang, elle a une réputation sinistre. Accident, amnésie, agression. Avec son parfum de mystère, la disparition du curé, d'abord signalée dans le journal local, a vite fait le tour des rédactions. Manquait-le toi, je me disais aussi. Tu pensais que le petit Parisien allait rater l'affaire? Il est pas rapide, ton petit Parisien. Il t'a envoyé à vélo, comme le curé. Ton rédac-chef est toujours aussi radin. Rigole. Même à pied, j'en apprendrai plus que toi. Et puisque ton journal est généreux, offre-moi un verre, monsieur le grand reporter. Mademoiselle, un klaxon. Drôle d'affaire. Elle sent le drame. Le vaudeville, oui. Pour moi, c'est plié. Escapade amoureuse, mon vieux. L'abbé ne sera pas le premier. Les calotins sont de chauds lapins. Toujours bouffeur de curé. Non, sois sérieux. Les abbés qui fréquentent n'ont pas besoin de faire la messe buissonnière. Quant à courir le Guilledou à bicyclette, non, non. La vérité risque d'être moins croustillante. Une agression? Depuis 4 jours? Faudrait que le curé soit sacrément mal en point pour pas avoir donné signe de vie. Mal en point ou pire. Dans le coin, les traîneux ne manquent pas. Vagabonds, journaliers... La gendarmerie pense comme moi, elle ratisse les fermes. Oh, bah, si les Pandores pensent comme toi, Mademoiselle, mon klaxon. Voilà, voilà, j'arrive. Et vous, mademoiselle, vous en pensez quoi de tout ça? Oh, moi. Bah, vous devez bien avoir votre idée. Il était gentil, l'abbé de la rue. À Châtenay, tout le monde l'apprécie, hein. Même le maire. Pourtant, lui, les curés... Ah, alors ce curé-là devait être avenant, alors. Pour ça, oui. Jeune, dynamique, toujours prêt à rendre service. Mmh. Et toujours le mot pour rire. Tenez, le mois dernier, il a rendu visite à Arsène, un vieux de la guerre de 70 qui croyait son heure venue. Mmh. Vous savez ce qu'il lui a dit, l'abbé? Ego te absolvo. Bah, pas du tout. Toi, mourir, ne fais pas cette bêtise. Le bon Dieu ne te veut pas et le diable a peur de toi. Combien de fois il a mis la main à sa poche pour aider des paroissiens dans le besoin? Combien de fois il a couru quérir le médecin pour un malade? Qu'il pleuve ou qu'il vente, le jour ou la nuit. Attention, il ne demandait pas de certificat de baptême ou de présence à la messe. Belle âme. Mais pour secourir ainsi financièrement son prochain, il avait donc du bien. Pour être paysan, ses parents n'étaient pas dans la gêne. On est en Beauce. Mais de là à être riche... Un malandrin pouvait en tout cas penser que l'abbé avait un portefeuille bien garni. Peut-être. J'en sais trop rien. Malon, il était de taille à se défendre, l'abbé. Un sportif, si j'en crois la photo. C'est vrai. Un bel homme. Dame, oui. Séduisant, même, on pourrait dire. En tout bien, tout honneur, évidemment. Vous insinuez quoi? Vous croyez que je vois pas ce que vous avez en tête? Vos ficelles sont pas très fines. Votre journal doit pas vous payer bien cher. Excusez mon collègue, la vue d'une soutane le rend idiot. L'abbé de la rue me paraît bien sympathique à moi. Il ne devait pas avoir beaucoup d'ennemis. Vous pouvez le dire. Et pourtant, la municipalité n'est pas du parti clérical. Ah, ça non. Dernièrement, elle a refusé que le brancard municipal qui sert à porter les morts entre dans l'église. L'abbé en a été tout retourné. Vous imaginez les porteurs déposer les défunts sur le parvis? La loi de 1905, séparant les églises et l'État, vient d'être votée et les passions sont toujours aussi vives. Les tensions opposant catholiques et anticléricaux divisent la société et rythment la vie politique. Les conservateurs soutiennent l'Église. Face à eux, le Parti radical, alors premier parti du pays, les socialistes de la jeune SFIO et la franc-maçonnerie, très influentes sous la Troisième République, mènent le combat laïque. Le lent mouvement de déconfessionnalisation de la société est en marche. Aux élections législatives de 1906, la majorité de gauche sortante gagne plus de 40 sièges. L'Eure-et-Loir, département de la très catholique ville de Chartres, ne fait pas exception. Dans le canton de Châtenay, le député conservateur est renversé par le candidat radical. Dans un tel climat, la disparition de l'abbé de la rue connaît un retentissement considérable. Elle devient une affaire nationale que chaque camp s'efforce d'exploiter. La presse n'est pas en reste. L'abbé de la rue, tous ces messieurs s'en moquent. Ce qui les intéresse, c'est de se faire mousser. Faut voir comment ils le tirent à hue et à dire depuis sa disparition. Moi, je suis pas allé longtemps à l'école et je saurais pas écrire dans les journaux. Mais j'en pense pas moins. L'abbé et moi, on causait souvent. Et pas que de la pluie et du beau temps. Il avait demandé à Mademoiselle Marie, Marie Frémont, l'institutrice de l'école Saint-Paul, si elle acceptait de me donner des cours du soir. Obtenir une institutrice n'avait pas été sans mal. Avec leur nouvelle loi, c'est compliqué d'avoir une maîtresse dans les écoles qui sont pas celles de la République. Eh bien, l'abbé y est parvenu. Oh, je suis pas naïve. C'est toujours autant d'enfants qui ne rejoindront pas la laïque. Et après, qu'on ne vienne pas me dire sur quelle banque je dois m'asseoir. Que j'aille au cours de l'abbé, c'est pas pour ça que je voterai pour les calotins. Mais je raconte des bêtises. C'est pas demain que nous, les femmes, on aura le droit de vote. Là-dessus, les curés et ceux qui en mangent à tous les repas sont d'accord. Pas question de nous l'accorder. Rose, le téléphone, vite. Demandez-moi Paris, le journal. Tenez, voici le numéro. Est-ce que t'as à être essoufflé comme ça? Ah, t'es là. J'arrive de la gendarmerie. Quelle histoire. Mais quoi, y a du nouveau? Vous avez Paris en ligne. Allô, le matin? C'est toi, Marcel? Le marbre, passe-moi le marbre. Oui, oui, oui, il y a urgence. Allô? Le canard n'est pas bouclé, au moins? Parfait. Changement de une. Mais je m'en contrefiche, j'en prends la responsabilité. Tu y es? Je dicte. L'abbé de la rue assassiné, point d'interrogation. La découverte, mardi 31 juillet, près du hameau de Longue-Toise, de son chapeau ensanglanté, conforte la sombre hypothèse qu'envisageait notre reporter, là tu mets mon nom, dans notre précédente édition. Macabre détail, le couvre-chef de l'abbé porte une déchirure qui pourrait, l'enquête le déterminera, avoir été causée par une arme de poing. C'est avec inquiétude que notre journal livre à ses lecteurs cette information exclusive et capitale. Notre envoyé spécial à Châtenay, là tu remets mon nom, poursuit ses investigations. Assassiné ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? On trouve un chapeau et vous en faites un roman ? Est-ce que c'est bien celui de l'abbé d'ailleurs ? Aucun doute, hélas. Le chapelier dont le nom figure sur la doublure est son fournisseur et il confirme. Mais ça ne prouve rien. Sois beau joueur. Avoue que ça t'embouche un coin. Et remercie-moi. Te remercier ? J'aurais pu garder l'information et téléphoner de la gendarmerie. Au lieu de ça, je t'ai mâché le travail. T'as plus qu'à appeler ton canard. Fous-toi de moi. Demain matin, quand le petit parisien paraîtra, vous aurez sorti l'info depuis 12 heures. Journal du matin, chagrin. On a une édition du soir, tu vas pas me le reprocher. Mais vous êtes des vrais vautours. Vous disputez ainsi, ce pauvre abbé. Permettez, j'emprunte votre téléphone. Hé ! Merci. Allô ? Allô ? Oui, passez-moi le 22 à Chartres, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Allô, le journal de Chartres ? Ici, Chapu. Oui ? Désiré Chapu, vous en connaissez un autre ? Vous avez une sténo sous la main ? Parfait. Je lui dis que t'as un ajout à mon papier. Voilà la calotte en piste. Alors vous y êtes ? D'après plusieurs sources dignes de foi et qui souhaitent garder l'anonymat, dans le climat d'intolérance qu'entretiennent les libres penseurs du département, oh là là. L'abbé Delarue aurait reçu des menaces après la publication d'un de ses articles dans les colonnes de notre confrère L'Écho du Gâtinais. Ces menaces émaneraient d'affiliés au comité radical socialiste de Chalot-Saint-Marc, près du hameau de Longue-Toise, où la gendarmerie vient justement de retrouver le chapeau du prêtre. Eh ben... Monsieur la plume des corbeaux, vous y allez pas avec le dos du goupillon. Le sous-entendu ne vous dérange pas ? Accusé sans preuve non plus ? Je ne crois pas devoir vous répondre. Encore moins subir vos leçons de journalisme. Quand votre unique souci est de salir l'église en répandant des calomnies sur un de ses clercs. Lorsqu'on aura retrouvé son corps, je m'inclinerai devant son cercueil. Si c'est un autre corps, féminin et bien vivant, celui-là qui explique la disparition de l'abbé, j'ose espérer que vous blanchirez ceux que vous aurez accusés à tort et que vous ferez votre mea culpa publiquement et pas dans le secret d'un confessionnal. Silence, j'entends rien. Allô ? Qui ? Ah bravo, lui. Oui, il est là, je vous le passe. Hé, le monsieur du matin, c'est pour vous. Ah bon ? Allô, Marcel ? Oui, rebonjour. Qu'est-ce que... Hein ? Tu dis une prime pour toute information sur le curé ? Tu parles si ça va secouer. J'ai assez pesté après le vieux et sa façon de diriger le canard, mais là chapeau, hein, c'est une idée de génie. À l'américaine. Et l'annoncer sous mon papier, alors là, champagne. Messieurs, ça vaut pour vous aussi. Le matin offre une prime de 1000 francs à qui retrouvera l'abbé. La disparition mystérieuse d'un prêtre fournit un sujet en or que la plupart des journaux entretiennent à coups de nouvelles sensationnelles. Certains ne reculent devant aucune outrance. Après Le Matin et sa prime, une première en France, le quotidien Le Journal envoie un mage hindou sur la piste de l'abbé. La Patrie engage une cartomancienne et un mage concurrent. Ils sont bientôt rejoints par un troisième mage, dépêché celui-là par le Gil Blas. Entre Grand Guignol et Théâtre Forain, Châtenay devient un lieu d'attraction. On s'y presse en famille. Les curieux, ravis, ont même droit à la venue haute en couleur d'une hyène renifleuse de cadavres et de son dompteur. Avec sa démesure, l'affaire Delarue franchit les frontières. Angleterre, Belgique, Autriche-Hongrie, États-Unis. Une partie de la presse mondiale s'en empare, trouvant au passage une occasion de moquer les Français et leur police qui semble bien impuissante. Car depuis la découverte du chapeau de l'abbé, les semaines passent et l'enquête piétine. Alors, qui avait raison ? Quoi raison ? La gendarmerie arrête un type. Et après ? À chaque fois qu'on nous présente un coupable, il est innocent. Alors pourquoi celui-là sera le bon ? Le témoignage de l'hôtelier qui l'a logé la nuit du crime a été suffisamment précis pour que le juge inculpe le type d'assassinat. Il débarque à la nuit, les vêtements couverts de boue, la main ensanglantée. Il prétexte une chute et en prime, il tient un vélo. Mais alors ça suffit pour inculper quelqu'un ? Si tu me laissais finir. À 5h du matin, le type file. Bon. 4 heures plus tard, le revoilà, vêtu de neuf et, comme par hasard, sans son biclou. Avec un drôle d'air, il demande des cartes de la région et l'horaire des trains. Tu trouves ça normal, toi ? Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Le gars a sûrement des raisons qu'il va expliquer et elles se révéleront si évidentes qu'on se sentira bête de ne pas y avoir songé. Ce qui est surtout évident, c'est qu'entre 5 et 9 heures, il a eu le temps de pédaler jusqu'à Chalot-Saint-Marc, jeter la bécane du curé dans les fourrés, de se changer et de revenir à l'hôtel par le train. L'affaire est close, mon vieux. Du reste, si la famille de l'abbé a organisé des obsèques, c'est qu'elle a des raisons de le penser, elle aussi. Mais des obsèques sans mort. Tu parles d'une bouffonnerie. Si le type a tué le curé, on va retrouver son cadavre. Alors pourquoi se précipiter à enterrer un cercueil vide ? Oh là ! Ah ben l'église ne recule devant rien. Hein. Au bout de 2 mois, l'absence de corps faisait désordre. Hein. Un bel enterrement avec évêque, enfant de cœur et fagot d'encens. Ça calme les esprits et vous fait un macabé respectable. Hein. Même si le mort est bien vivant et que la boîte en sapin ne renferme que du vent. Quand je pense qu'on a autorisé pareille fumisterie... Vous ne cesserez donc jamais. 2 mois. Voilà 2 mois que vous déblatérez à mon comptoir sans un seul mot respectueux pour l'abbé. Vous vous le disputez comme un morceau de viande. Oui, voilà ce que vous faites de lui. Un morceau de viande. Rose, qu'avez-vous ? Mais voyons, Rose, mais vous mettez pas dans un pareil état. Nous ne voulions pas vous blesser. Vous parlez sans savoir. Vous écrivez sans savoir. Vous ne savez rien. C'est facile d'arriver chez nous, bardé de certitudes et d'en faire des articles. Vous auriez pu écrire les mêmes sans vous déplacer. Quand avez-vous cherché à le connaître, l'abbé de la rue ? Que savez-vous de la vie d'un curé de village ? Une soutane, c'est ça que vous voyez. Des godillots, un bréviaire et des patenôtres. Vous avez déjà recueilli le dernier soupir d'un moribond dans ses draps glacés ? Vous avez déjà écouté l'âme des pauvres gens dans un confessionnal ? Servi les vêpres pour 3 ou 4 paroissiens ? Avez-vous une fois, une seule, mesuré la condition de l'homme à ses hontes et aux regrets qu'il torture ? Vous avez imaginé la solitude des soirs d'été quand le monde entier est soleil et vous, une ombre à la chapelle ? Rose, qu'avez-vous ? Quand j'entends autant de bêtises, j'ai du mal à ne pas crier la vérité. Mais je ne peux pas. J'ai promis à Mademoiselle Marie de tenir ma langue. Je vais me sentir bien seule à présent qu'elle va s'en aller. Rose, je vous attendais. Mademoiselle Marie, c'est bien décidé. Vous partez ? Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Toute cette mascarade, je n'en peux plus. Et ce journaliste qui me harcèle de questions. Vous croyez qu'il se doute ? Ses arrière-pensées, ses sous-entendus. Depuis le début, il s'évertue à prouver que le père Joseph mène une vie dissolue. Pour lui, les prêtres ne peuvent être qu'hypocrites et jouisseurs. Alors quand il a appris que c'est à l'abbé que je dois ma présence à Châtenay... C'est idiot. À ce moment-là, vous ne le connaissiez pas, l'abbé de la rue. Il ne vous a pas fait venir, vous. Il a simplement obtenu l'affectation d'une maîtresse d'école. C'est bien après que... Oui, des mois après. Et Dieu sait que nous avons lutté contre ce que nous éprouvions l'un pour l'autre. Mais qui peut comprendre ? Moi. Je sais, Rose. C'est pour ça que je vous ai confié notre secret. Vivre notre amour en le dissimulant comme une tâche honteuse devenait insupportable. Partir était la seule issue. Joseph est parti le premier pour préparer notre nouvelle vie. Nous étions bien naïfs. Jamais nous n'avions pensé que cela déclencherait une telle tempête. Je le rejoins plus tôt que prévu. Mais comment vous cacher que j'en suis heureuse ? Ça me fait drôle de vous entendre appeler monsieur le curé par son seul prénom. En tout cas, que vous trouviez la paix tous les deux. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci, Rose. Bien sûr, pour la galerie, vous confirmerez ce que j'ai annoncé. Je pars pour l'Allemagne, où j'ai trouvé un emploi de répétitrice auprès d'une famille française d'Heidelberg. Ça n'empêchera pas votre départ de faire jaser. Depuis des semaines, chacun raconte n'importe quoi. Un peu plus ne changera rien. Dites, si vous aviez pu prévoir, vous auriez quand même laissé votre couvent ? Renoncer à vos vœux pour venir ici faire l'école ? Renoncer à prononcer mes vœux était nécessaire pour enseigner dans une école publique. La nouvelle loi ne permet plus aux religieux d'enseigner comme avant. Ça n'avait pas été de gaieté de cœur, mais je l'avais décidé en accord avec la mère supérieure. Et puis, à Châtenay, j'ai découvert un autre engagement et sans lui... Non, vraiment, je ne regrette rien. Vous allez me manquer, mademoiselle. J'aimais bien vos leçons. Je barguignais parfois quand elles me semblaient difficiles, mais allez pas croire que c'était après vous. Je ne l'ai jamais pensé, Rose. Je suis ainsi faite. Et vous, si patiente. Il a de la chance de vous avoir, notre curé. Ne faites pas l'embarrasser, je dis la vérité. Faut bien qu'il y en ait une qui la dise au milieu de tous ces brasseurs de vent mauvais. Vous avez lu ce qu'ils ont écrit depuis qu'on a retrouvé son vélo, avant-hier ? Je n'ouvre plus un seul journal. Tout ce que j'y lirai ne ferait qu'ajouter à mon tourment. Vous avez peut-être raison. Depuis que la gendarmerie a retrouvé la bicyclette du père Joseph dans la forêt, les journaux ont encore monté les feux sous leur tambouille. Tous autant qu'ils sont, on pourrait prévoir ce qu'ils écriront. Pas besoin de mage ni de cartomancienne. Même moi, je pourrais. Qui aurait cru que ça tournerait ainsi ? Dame, tant que ça se vend. Et pour qu'une mayonnaise se vende, il faut la faire monter. Tenez, vous avez raison de partir. Je ne vous oublierai jamais, Rose. Moi non plus. Marie Frémont s'est employée à brouiller les pistes. Mais si son départ de Châtenay ne suscite aucun soupçon, le répit sera de courte durée, à peine un mois. Bruxelles, le 24 septembre, à midi. Un certain Jacques Droncourt, représentant en bijouterie, entre au commissariat du quartier Saint-Gilles. Puis il parle d'une voix blanche. Je m'appelle en réalité Joseph Delarue, ancien curé de Châtenay. J'ai quitté la France en compagnie de Marie Frémont et nous habitons au numéro 73 de la rue de Constantinople. La vérité éclate comme une bombe. Pendant des mois, le prêtre et l'institutrice ont vécu un amour secret. En le révélant, l'abbé Delarue croit se libérer de la culpabilité qui le ronge et pouvoir vivre au grand jour avec sa compagne. Mais la nouvelle de sa résurrection relance le tourbillon médiatique. Circonstance aggravante, Marie est enceinte. Les journalistes se ruent à Bruxelles et les journaux reprennent leur course à la surenchère. Selon leur tendance, les uns ridiculisent le prêtre et l'institution religieuse, les autres en font une brebis galeuse et le sacrifient pour soutenir l'Église. Les amants sont seuls dans la tempête. Ça ne pouvait pas tourner autrement. J'ai essayé de le dire à Mademoiselle Marie. Mais quand l'amour vous tombe dessus, qui peut juger ? Oh, on ne s'en prive pas. Eh bien moi, je les comprends tous les deux. Ce qu'ils ont essayé de rejoindre, c'était comme qui dirait leur Pérou. On parlera de tromperie, de mensonge, on salira. Le père Joseph serait resté curé avec une bonne amie cachée, ça aurait arrangé tout le monde. Les apparences, ah, les apparences. Mais voilà, les petites combines, ils n'en voulaient pas. En attendant, me revoici toute seule. C'est drôle de dire ça quand on tient un café où il passe tant de monde. Mais le monde, c'est de la distraction. La compagnie, c'est autre chose. Avec Mademoiselle Marie, j'avais trouvé la compagnie. Peut-être même plus. Je crois que toutes les deux, on était amies. J'en ai jamais eu beaucoup. Ici, personne n'est rosse avec moi. Pour les gens, je suis la brave fille. Voilà, la brave fille. Mademoiselle et l'abbé me regardaient autrement. Leur secret me faisait comme une place dans leur amour. C'est fini. Les places, le monde vous les assigne une fois pour toutes. La mienne est derrière mon comptoir, à servir à boire, à balayer la sciure et vider les crachoirs. Mon fils, vous voici enfin de retour. Vous vous étiez égaré, mais vous avez retrouvé le chemin de cette maison qui n'a jamais cessé d'être la vôtre. Je vous y reçois comme le Père reçoit son Fils prodigue dans l'Évangile. Monseigneur, Ne parlons pas de votre chute, mais de votre redressement. J'ai lu dans la presse votre confession et celle de cette malheureuse femme. Que vous ayez choisi de parler à un journal nous a surpris. J'ai entendu, à votre encontre, des mots très durs au sein de notre évêché. Tous n'étaient pas prononcés sans raison. Cependant, la rédemption emprunte parfois des voies inattendues. Aussi, il m'a semblé que votre aveu, dans sa maladresse même, manifestait un désir sincère de repentance. Marie et moi avons décidé de vous séparer, je sais, et bien sûr de mettre un terme à votre union. Je n'ai pas entendu votre réponse. Conformément à vos souhaits, Marie a rejoint la maison des Dames de Saint-Raphaël. Elle y sera très bien. Il est dans la vocation de nos bonnes sœurs d'accueillir les femmes qui ont renoncé au chemin que notre mère, l'Église, et la morale chrétienne condamnent. Lorsque Mademoiselle Frémont sera rétablie, elle et l'enfant partiront chez nos amis les Botrel, qui ont accepté de veiller sur eux. De votre côté, vous rejoindrez au plus tôt la trappe de l'Aveyron à l'abbaye de Bonnecombe. Je suis pleinement conscient de ma faute et de l'absolue nécessité de mon expiation. Je me conformerai en tout point à ce que vous avez prévu. Votre aide, dans l'épreuve, est un réconfort. J'ai failli à mon devoir de prêtre et... Pour le moins. Cependant, malgré votre faute, vous le restez. Les vœux que nous prononçons sont perpétuels. Seul notre Saint-Père peut nous en délier. Tout à fait. Mais que voulez-vous dire ? Je pense lui adresser une demande de dispense. Pardon ? Une dispense ? Vous souhaitez retourner à l'état laïque ? Reprenez-vous. Quelle que soit votre faute, l'Église saura, comme l'enseigne le Christ, faire œuvre de pardon. Après un temps de silence que vous mettrez à profit pour dissiper la confusion qui s'est emparée de vous, prier et réfléchir, vous y verrez plus clair et pourrez de nouveau prétendre à une mission pastorale. M'en croyez-vous capable ? Avec l'aide de Dieu. Et si vous savez saisir la main qu'il vous tend à travers ses serviteurs. Il vous appartient de ne plus faillir. Votre conduite a rejailli sur l'Église entière. Nos ennemis, et nous n'en manquons pas en ces temps difficiles, ne se sont pas privés de nous traîner dans la boue. Savez-vous qu'en ce moment même, des revues de music hall vous ridiculisent et se servent de vous pour nous salir ? Alors, je vous en conjure, abandonnez cette idée de dispense. N'ajoutez pas une nouvelle erreur à celle que vous avez commise. Vous n'êtes pas seul en cause. Vous êtes devenu un symbole. Il ne tient qu'à vous qu'il soit celui d'une église charitable et respectée ou celui d'une Babylone dissolue. Et Marie. Que deviendront Marie et notre enfant ? Oh, malheureux. Penseriez-vous encore à celle qui vous a entraîné dans le péché ? Celle à qui vous avez succombé comme Adam au jardin d'Éden ? Entre son amour pour Marie et sa fidélité à l'Église, l'abbé de la Rue vit un déchirement. Célibat et chasteté sont des engagements radicaux que bien des prêtres vivent difficilement. Les romanciers s'en sont saisis, à l'instar d'Émile Zola et de son abbé Mouret, ou de Barbet d'Aurevilly et son prêtre marié. Mais les abbés qui y fautent sont tout autant en butte à la caricature. La plupart vivent leur situation dans la clandestinité ou s'accommodent de non-dits. Dans sa « Courte étude sur le célibat des prêtres », Albert Houtin, théologien désenchanté, écrit en 1910 « De 25 à 30 ans, le plus grand nombre de prêtres flirtaient, et de 35 à 55 ans, la moitié pratiquait le concubinage. » Ces données sont difficilement vérifiables, mais une chose est certaine. Rompre avec l'Église est souvent impensable pour qui a fait vœu de prêtrise. Quant aux conséquences sociales d'un tel acte, elle laisse ceux qui l'assument démunis au sein d'une société où ils n'ont plus alors ni statut ni repère. Rose, vous avez fait tout ce chemin pour me voir ? Quand vous me l'avez écrit, je n'y croyais pas. Mademoiselle Marie, je n'allais pas vous abandonner, moi. C'est qu'elle me manque, vos leçons. Et vous aussi, vous me manquez. Ma chère Rose. Alors, comment vous êtes traitée ici? Vous avez une petite mine. Les sœurs ne sont pas trop raides. Celles que j'ai vues n'avaient pas l'air très engageantes. Oh, elles ont été bonnes de m'accueillir après... après tout ce scandale que nous avons causé, Joseph et moi. Joseph? Décidément, je ne lui fais pas. Pour moi, il restera le père Joseph. Tout de même, Joseph et Marie, ça ne s'invente pas. Et le petit Jésus, alors? Il en est où? Rose, vous êtes mon rayon de soleil. Le petit Jésus, comme vous dites, sera peut-être une fille. Nous le saurons le mois prochain. Fille ou garçon, c'est une drôle de manière d'arriver au monde. Et il ne connaîtra même pas son papa. Nous nous sommes engagés à ne plus nous voir. Mais pas à ne plus vous écrire. Nous y sommes autorisés. Mais sous des noms d'emprunt pour éviter que quiconque puisse savoir où nous sommes et que nous fassions de nouveau les titres des journaux. Vos lettres sont lues avant qu'on vous les remette? Je ne crois pas. De toute façon, nous nous y confortons mutuellement dans la résolution que nous avons prise. Tenez. Voici ce que Joseph m'écrivait le mois dernier. J'ai été plus courageux que je ne l'aurais cru. Je me suis retenue fortement pour ne pas pleurer. Vous voyez, Rose, nous... Mademoiselle Marie. Mon Dieu. La résignation est si difficile. Que croit-il ? Qu'il suffit de prier pour oublier? Et Joseph, si loin. Je ne sais même pas où. On nous permet de nous écrire, mais à des adresses fictives. C'est le jardinier qui réceptionne le courrier. Et lui, le père Joseph, qu'est-ce qu'il en dit? Ses lettres sont tantôt pleines de résolutions, tantôt emplies de mots qui me laissent penser. Mais tenez, son dernier envoi, lisez. Je ne sais pas si... Rose, lisez. Lisez, j'ai déjà partagé avec vous tant de secrets. Je ne vois là rien de... Plus loin, Rose. Inutile de vous dire, n'est-ce pas, mes sentiments après notre séparation. Vous savez d'avance à quoi vous en tenir. Je vous estime, vous admire... Et vous aime plus ardemment et plus fidèlement que jamais. De tout mon cœur, je vous embrasse. Postscriptum, encore un tendre baiser. En effet. Je ne sais plus où j'en suis. Et Joseph, pas davantage. Un jour, il veut partir en Afrique soigner les lépreux. Le lendemain, il sollicite le Saint-Père pour être dispensé de ses vœux. Chut. J'entendais pas dans le couloir. La mère supérieure, probablement. Vite, prenez-moi cette lettre. Pendant plus d'un an, l'abbé de la rue écrit sans relâche à celle qu'il aime toujours. Avec la même insistance, il presse en vain l'évêque d'obtenir la dispense papale qui lui permettrait de la retrouver. En 1909, lasse et résignée à l'impossibilité d'un dénouement heureux, Marie le prie de renoncer à elle à tout jamais. En 1914, l'abbé abandonne son habit sacerdotal pour revêtir l'uniforme du fantassin. Engagé volontaire comme brancardier, il part pour le front. Blessé à Suippes en 1915, il doit sa vie à la Bible. Celle dont il ne se sépare pas amortit l'éclat d'obus qui lui aurait sans elle percé le cœur. Retourné à la vie civile et laïque, Joseph Delarue meurt en 1963 sans jamais avoir revu Marie Frémont. Pas chaud ce matin. Les carreaux sont pleins de givre. Il était bien chargé, notre facteur. Et c'est parce que je reçois qu'il va délester sa musette. Moi, le courrier. Pourtant, après la naissance de son bébé, Mademoiselle Marie n'a jamais manqué l'occasion de m'écrire. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de lui répondre. Peut-être que je me sentais plus vraiment dans sa vie. Il vaut mieux s'éclipser quand ça se produit. À présent, les confidences auxquelles j'ai droit, ce sont celles des habitués du café. Des remontées de boissons, des hoquets de vie à hauteur de zinc. L'histoire de l'abbé et de son amoureuse, c'était autre chose. Elle me réchauffait comme une flambée à Noël. Peu de gens l'ont comprise. Bientôt, on oubliera. Pas moi. J'ai tout gardé dans un coin de ma tête. Ça me fait comme une boîte à musique qui joue parfois sans prévenir. J'ai conservé l'atlas aussi que m'avait donné le père Joseph. Quand j'en ai ma claque de l'horizon bouché, je m'offre une balade au Pérou. C'est loin. C'est loin. La mystérieuse affaire du curé de Châtenay, de Patrick Péchereau, avec Rose, Christine Pignet, Marie Frémont, Céline Martin-Sisteron, l'abbé Joseph Delarue, Pierre Moore, le journaliste du Matin, Philippe Bautier, le journaliste du Petit Parisien, Nicolas Lormeau, de la Comédie-Française, le journaliste du Journal de Chartres, Antoine Sastre, l'évêque, Philippe Crubézy, bruitage, Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Julien Douminc et Kevin Delcourt, assistant à la réalisation, François Mazère, réalisation, Cédric Aussire. On reprend dans quelques minutes la discussion sur l'affaire du curé de Châtenay avec mon invité Alain Denizet. Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls, who's gonna catch me when I fall down? Blame de Gabriel sur France Inter, autant en emporte l'histoire, réalisé par Étienne Bertin, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pierre-Yves de Rollin. Alain Denizet, il semble que cette histoire, finalement assez triste, le curé et son amante ont été victimes d'abord du déchaînement de la presse, à sensation, et des divisions aussi de la société française, et puis de la cruauté aussi, de l'hypocrisie de l'Église catholique. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, si je puis dire, double peine. La première, c'est celle que vous avez évoquée, celle de la presse, qui a fait un travail assez professionnel sur l'emploi du temps de l'abbé lorsqu'il s'était échappé. Là, il y a peu d'erreurs, il y a peu de rumeurs. Et puis après, c'était un déchaînement de rumeurs, on dirait aujourd'hui de fake news, oui. Sur l'abbé. Oui, on a inventé des nouvelles. Enfin, on a inventé des informations. Plein de choses. Alors, on l'a assassiné une dizaine de fois. Chaque fois, le cadavre n'était pas le bon. On l'a vu en tenue de légionnaire à Oran. Puis non, c'était à Biarritz, finalement. Puis non, c'était à Calais. Puis finalement, voilà, on lui a inventé des histoires d'argent. Il aurait dépouillé un vieux général à la retraite de sa fortune. On lui a prêté une maîtresse. On l'a vu déguisé en plombier, rentrer chez elle à Nevers. Tout ceci était faux. Oui, le fait que ça se passe en été, peut-être qu'il y a aussi l'idée que il se passe pas grand-chose. Et du coup, on fait mousser un peu l'affaire pour vendre de la presse. Il y a certainement ça. Il y a aussi le fait que nous avons évoqué en début d'émission, savoir que on est en pleine séparation des églises, oui, et de l'État. C'est un prêtre qui disparaît, ce n'est pas un quidam. Et sur les prêtres, vous savez, il y a plein de choses qui courent dans les conversations, j'allais dire, de pas de porte, mais aussi dans les feuilletons, dans les romans. On a cité Zola, on aurait pu citer Goudot. Il y a un quotidien radical qui s'appelle La Lanterne, qui chaque semaine fait une rubrique, Les monstres en soutane. Donc on imagine que l'abbé a peut-être trempé dans des affaires qui ne sont pas bien glorieuses. Et la presse catholique, La Croix, par exemple. La Croix est aujourd'hui un journal très sérieux, tout à fait estimable, mais à l'époque, c'est quand même un journal très conservateur, parfois même très antisémite. Comment La Croix couvre l'affaire, par exemple ? Régulièrement, bien sûr, elle chronique l'affaire, mais dans un sens très précis, c'est-à-dire que pour La Croix, l'abbé n'a pu être victime que de la violence des radicaux. Oui, c'est ça, on suppose que l'abbé aurait été assassiné par des radicaux socialistes de Châlons-Saint-Marc, qui est une petite ville qui est située près des Tempes. Parce que l'abbé aurait écrit, je dis bien le conditionnel, des articles lors des élections 1906. Il s'avère qu'il n'en est rien, mais c'est ce que La Croix colporte. Et donc, il revient des Tempes en vélo, mauvaise rencontre avec ces radicaux socialistes, ça tourne mal, il est assassiné, son corps est enterré. Donc La Croix, si vous voulez, préfère privilégier la piste évidemment du crime plutôt que celle de la fugue amoureuse, bien on sûr. Le comprend. Ça sauve la dignité de l'abbé en même temps que cela innocente, si vous voulez, l'Église contre laquelle les anticléricaux dénoncent l'hypocrisie. Il vaut mieux un prêtre mort qu'un prêtre qui a fait une faute. Exactement. Et d'ailleurs, lorsque l'abbé a ressuscité le jour même, tout de même, le jour même de son enterrement, ah oui, ça c'est extraordinaire. L'Église a crié au complot. Hein. Le journal La Libre Parole d'Édouard Drumont, journal antisémite s'il en fut, crie au complot. C'est un complot des francs-maçons, des juifs et des radicaux. Pourquoi l'Église, on l'a entendu, s'obstine-t-elle à retenir le curé qui, lui, souhaite pourtant renoncer à la prêtrise ? On a entendu l'évêque qui tient absolument à retenir l'abbé de la Rue. L'abbé de la Rue, s'il, finalement, il avait annoncé qu'il allait se marier avec Marie Frémont, c'est ce qu'il dit deux jours après avoir été retrouvé à Bruxelles, et puis finalement, non. Or, à la fin du mois de novembre, ils annoncent leur séparation. Pourquoi ? On ne comprend rien à cela si on ne comprend pas ce que j'ai étudié dans les premiers chapitres de mon livre, c'est-à-dire le fait que pendant 10 ans, et puis bien sûr après, il est vécu dans cette idée qu'un prêtre doit être célibataire et doit se conformer à l'abstinence sexuelle. Il est éduqué à cela. J'ai retrouvé des écrits de l'abbé de la Rue aux archives diocésaines de Chartres où il traduit un texte de saint Basile où il dit: méprise la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, prends garde de ne jamais t'attacher à la chair. Oui, donc, mais quand même, entre-temps, depuis le petit séminaire, il a rencontré Marie Frémont, il l'aime visiblement, certes, il a un enfant, il a l'air d'avoir un certain sens des responsabilités aussi. Il assume, oui. Il va être père, il veut se marier, mais il est hanté par la faute. Oui, il est ça, hanté, oui, par il la se chute. Coupable. Et lorsque, oui, dans les mémoires que Le Matin a publié de Marie Frémont et de l'abbé de la Rue, lorsqu'il apprend, c'est lui qui le dit, lorsqu'il apprend que Marie Frémont est enceinte, il a cette phrase qui est terrible: c'est la punition de Dieu qui commence. Je mets les guillemets. Donc Alain Denizet, nous l'avons vu, l'affaire a été surexploitée par la presse, mais en même temps, si la presse n'avait pas révélé toute cette affaire, n'avait pas révélé que cet abbé avait disparu, on n'aurait rien su de cette affaire finalement. L'histoire de ce curé qui faute, qui a une maîtresse, qui a un enfant, finalement, cette histoire a pu rester dans le cercle de l'Église et être résolue ou pas à l'intérieur de l'Église. On n'en aurait rien su. Vous avez raison. C'est une construction médiatique. Bah, en même temps, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas seulement une construction médiatique, c'est une vérité qui se passe. Et pour une fois, parce qu'il y a eu cette disparition, la presse en parle. Peut-être elle en parle avec débordement, elle dit un peu n'importe quoi, mais elle révèle des choses, malgré tout, qui sont vraies. C'est une réalité que l'Église veut cacher, mais qui existe. Oui, bien sûr. Alors, quand je parlais de construction médiatique, c'est que l'abbé de la rue n'a pas tué, n'a pas volé, il n'a rien fait délictueux. C'est une affaire privée qui ne regarde que sa conscience. Mais, effectivement, mon livre « Cette affaire » révèle déjà qu'au début du XXe siècle, la question du célibat des prêtres, de l'abstinence sexuelle se posait. Et je sais qu'elle fait partie de l'actualité aujourd'hui. Oui. Donc effectivement, d'habitude, l'Église étouffait ce genre d'affaires. Un prêtre qui avait une aventure avec une femme était déplacé, surtout si ça faisait scandale dans le village. Mais là, l'affaire est un petit peu différente parce que l'abbé de la rue n'a pas simplement une aventure sexuelle avec une femme, une aventure amoureuse, il attend un enfant. Oui. Ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, on a dit à un moment dans la fiction que des histoires comme ça de curés, il y en a eu beaucoup, mais en général, on étouffe, vous l'avez dit, on étouffe l'affaire, ils vivent leur péché clandestinement. Il y a des chiffres qui sont donnés à un moment, un certain Albert Houtin qui écrit que de 25 à 30 ans, le plus grand nombre de prêtres flirtent, de 35 à 55, la moitié pratique le concubinage. Est-ce qu'il existe des études sérieuses au sein de l'Église pour connaître la réalité de ce phénomène ? La réponse est non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ou alors on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques sûres. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un nombre de prêtres assez important qui, au cours de leur vie, ont une aventure amoureuse. Et encore récemment, on l'a vu dans l'actualité, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, soupçonné d'avoir eu des années auparavant une relation avec une femme, a démissionné et il a célébré sa dernière messe en décembre 2021. C'est pourquoi c'est une affaire qui est ancienne, mais qui pose des questions qui sont très actuelles. Alors, dans le cas de l'abbé de la rue, on a vu que l'Église, finalement, a préféré voir un père renoncer à ses obligations paternelles plutôt que de le voir renoncer à la prêtrise. Et Marie, elle, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Alors, Marie Frémont, elle accouche. Ensuite, elle est recueillie par Théodore Botrel, le barde breton, qui est un catholique fervent et qui recueille la jeune femme pour éviter à l'Église les suites d'un mauvais scandale. Marie Frémont espère que l'abbé de la rue va obtenir une dispense. Et puis, en fait, l'abbé de la rue est manipulé par son directeur de conscience, le jésuite Pupé Girard. Et elle finit par abandonner. Elle se marie en 1909 par le fils du jardinier des Botrel. Et ensuite... Elle va avoir d'autres enfants. Eh bien, merci beaucoup Alain Denizet d'abord d'avoir déniché, d'avoir fouillé et d'avoir écrit ce livre passionnant. Votre livre donc, Le roman vrai du curé de Châtenay, 1871-1914, paru aux éditions Ella. Et de Patrick Péchereau, l'auteur de la fiction, on peut lire son dernier roman, Evel, qui a été publié chez Gallimard. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Une émission que vous pouvez bien sûr réécouter, podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à bord du Titanic, le fameux paquebot qui fit naufrage dans l'Atlantique Nord en 1912. Nous serons à bord en compagnie de Michel Navratil, qui a 4 ans avec son petit frère, mais sans leur père, fera partie des 700 rescapés du naufrage. Michel Navratil, l'orphelin du Titanic, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.